Oh. C'est avec grand plaisir aujourd'hui qu'on reçoit Benjamin Saint-Just des Golden Gophers du Minnesota qui est hautement considéré depuis cette semaine. Je voyais le mock draft de Mel Kiper, qui est un des grands spécialistes de ESPN, qui le classe en troisième ronde. Donc, Benjamin Saint-Just, bon matin. Bon matin, merci de m'avoir. Et j'ai Hugues Fouché avec moi, qui est notre spécialiste de la NCAA, de la NFL également. Salut Hugues. Salut David, salut Benjamin. Benjamin, d'abord, on va y aller avec la première question, c'est moi qui vais te la poser. Es-tu surpris de voir que Mel Kiper, qui est probablement le plus grand spécialiste du repêchage, te classe aussi haut qu'en troisième ronde? C'est pas vraiment c'est pas trop une surprise parce que je savais vraiment mon potentiel et je savais ce que je devais faire justement pour me faire repêcher le plus haut possible. J'ai encore mon pro day qui se passe à Minneapolis le 1er avril. Donc j'ai des bonnes chances de pouvoir monter mon draft stock encore plus haut. Mais comme je dis, c'est jamais une surprise quand tu sais ton potentiel, tu connais ton talent, c'est toujours des surprises pour un peu plus les fans ou les gens de l'extérieur qui ne savaient pas vraiment mon talent, mais moi, je savais que j'avais le talent pour être repêché vraiment haut. C'est dans le draft 2021. Oui, parle-moi, Benjamin, de ton expérience au Senior Bowl, où tu parles d'avoir augmenté ton stock, là, ça a vraiment beaucoup aidé, là. Tu as eu un excellent Senior Bowl. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du match puis des semaines d'entraînement, là, notamment Pro Football Focus a donné la plus haute cote chez tous les demi-défensifs, hein, qui étaient présents, là, dans tes couvertures un contre un pendant la semaine. Alors, comment tu as vécu cette expérience-là cette année au Senior Bowl? Ah, ben c'était vraiment une expérience qui a été très positive pour moi. C'était aussi très importante pour l'année 2021 pour le COVID parce que le Senior Bowl, c'est la seule place où les scouts et les coachs, les équipes NFL vont pouvoir nous voir live, en action, en jouant au football. On n'a pas eu de combine cette année, il n'y a pas eu d'entraînement privé. Donc le Senior Bowl était vraiment, vraiment important pour plusieurs joueurs en tant que tel, moi. Donc, j'ai vraiment décidé de prendre cette opportunité au maximum puis pour monter mon draft stock parce que je savais que ça allait être très important. Mais juste en général, je me suis amusé beaucoup, j'ai appris beaucoup, ma technique est devenue meilleure, j'ai pu compétitionner un groupe de meilleurs joueurs du draft 2021. Puis, j'ai eu une très bonne expérience à être coaché par le coaching staff des Dolphins de Miami. Donc, c'est très cool comme expérience. Peux-tu C'est nous... là, Oh, c'est là, une c'est question, Dani? là, ouais, c'est là, on va y aller en alternance, OK, Hugues. là, pas de problème. C'est là qu'on voit vraiment que tu t'es démarqué, hein, parce que le Senior Bowl, tu joues avec les règlements de la NFL, ce qui est la différence de la NCAA, c'est ça la grande différence. Hein. Ouais, donc, dans le fond, les arbitres qui étaient là étaient plus sévères que les arbitres universitaires de Division 1 de NCAA. Donc, les passes interférences ou les blocs illégaux ou tout ça. Donc, on devait changer un peu notre style de jeu pour s'habituer, pour faire la transition du collégial au professionnel. Oui, dans le match, on t'a vu au début quelques répétitions comme safety, puis tout de suite on t'a replacé comme demi-coin. Notamment, moi, il y a un jeu qui a beaucoup attiré mon attention où on t'a visé là, sur une longue passe. C'est le kid de Tennessee, excuse-moi, son nom m'échappe, là, c'était pas Jennings, ça c'était l'année passée, mais c'était Kalen Mons de carrière, il a fait une passe parfaite le long des lignes de côté, vraiment belle, tu étais directement. Ça m'a surpris parce que je savais que tu pouvais faire du press coverage, mais j'étais surpris de tes qualités, honnêtement, là, en homme à homme, dans une zone profonde. Comment qu'on se sent comme ça quand on est au Senior Bowl avec autant de gens qui nous regardent, puis qu'on est visé sur une longue passe, c'est-à-dire que ça peut être un point positif pour toi, comme si la passe est complétée, ça peut être quelque chose de moins positif, là. Mais toi, ça a fonctionné, tu le jouais à la perfection. Comment tu te sens quand tu vois le ballon arriver? Ouais, ben dans le fond, à notre position, il faut que tu restes sans froid, comme tu dis, comme on dit, sans froid. Donc la balle s'en vient de ton côté, la balle est à toi et pas au receveur. Donc moi, j'essaie toujours d'avoir la mentalité d'attaquer le ballon puis d'aller faire un jeu positif pour que ça tombe bien de mon côté. Puis ça s'est donné aussi que le jeu était contre un autre Canadien de Brampton, Ontario, qui est Josh Palmer de Ça Tennessee. part mal, oui. Donc, ouais, c'est bon, mais ça, c'est le genre de jeu, justement, que j'avais besoin que ça arrive de mon côté pour monter mon draft stock, des belles passes comme ça, profondes, puis je fais une passe rabattue ou une interception. C'est le genre de jeu qui va me donner une opportunité de monter mon draft stock. Donc, j'étais content d'être visé. Souvent, là, lors du Senior Bowl, t'as des, c'est des. Parce que souvent, c'est toujours des entraîneurs de la NFL qui sont là. Est-ce que durant la semaine, on voit beaucoup d'entraînements du Senior Bowl à NFL Network? Mais est-ce que vous devez avoir des conférences où on vous explique comment devenir un pro? Oui, c'est sûr. On avait plusieurs événements qui ont été organisés par Jim Nagy de Senior Bowl, justement, pour parler avec des vétérans qui sont passés par le Senior Bowl ou juste des légendes avec qui on a parlé avec Terry McLaurin des Redskins qui joue à Ohio State, Jeremy Chin qui est avec les Carolina Panthers qui est avec le Senior Bowl qui est là, Justin Herbert des Chargers de San Diego. Pas longtemps lui. Donc, des vétérans qui sont passés par le Senior Bowl qui nous expliquent comment ça fonctionne puis comment se comporter puis comment être un professionnel. Oui, tu es arrivé dans la NCAA, Benjamin, tu étais avec les Wolverines du Michigan dans un premier temps. Si je ne me trompe pas, tu étais un prospect 4 étoiles. C'est quand même assez rare pour un Québécois ou un Canadien. Qu'est-ce qui t'a motivé à changer d'université là, pendant ta carrière et de faire le switch finalement pour Minnesota? Ah, ben des fois, c'est juste la position, la situation où j'étais en 2018 avec les Wolverines, surtout à ma position après avoir une blessure. Ça m'a reculé un peu. Ça a brouillé un peu la relation entre moi et les entraîneurs au Michigan. Donc, c'est des choses qui arrivent. Puis, surtout, c'est une école comme Michigan, ils ont beaucoup de joueurs qui rentrent et qui sortent avec les recruiting classes et tout ça. Donc, c'était une meilleure décision pour moi, une meilleure situation pour moi de recommencer à nouveau avec une nouvelle équipe. Puis ça s'est donné que ça s'est bien fait. Puis ça a été une très bonne décision que j'ai prise. Moi, je veux te parler des combines. Le fait qu'il n'y a pas eu de combines cette année, il y a eu des combines virtuels. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage pour un prospect? Parce que ça va être... Quand tu es à Indianapolis, normalement, quand il y a le gros show d'une année normale, tu as des recruteurs qui sont là, tu as des dépisteurs de la NFL. C'est vraiment fait pour les prospects-là. Maintenant, vous l'avez fait en virtuel. Ça dit quoi? C'est sûr que c'est pas trop un désavantage, mais c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus de travail pour nous, les joueurs, de faire 4, 5, 6 meetings Zoom avec plein d'équipes, même de docteurs. Comparé à aller juste au combine à Indianapolis puis de faire tout ça en one shot en une journée. Donc, c'est un peu plus de travail, mais les équipes, la NFL, les coachs, les general managers, les scouts trouvent toujours un moyen d'être capable de pouvoir faire leur dépistage puis de scouter leurs joueurs. Donc, tous les scouts qui allaient être présents au combine à Indianapolis pour mon combine vont être présents à mon pro day le 1er avril à Minneapolis. Oui, c'est ça, ton Pro Day, c'est le 1er avril. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Est-ce que tu peux nous en parler? Veux-tu faire le vertical, le 40 verges? Est-ce que tu vas faire toutes les épreuves finalement? Ouais, je vais faire toutes les épreuves. J'ai eu la chance de faire un Pro Day la semaine passée avec mon agence. Donc, mon agence a organisé un Pro Day avec quelques scouts de la NFL qui a été filmé dans le fond. Juste au cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'instabilité cette année avec le COVID. Donc, au moins, là, on a réussi à faire un Pro Day qui a été filmé. Donc, si, pour une raison ou une autre, le Pro Day à Minneapolis est cancellé à cause du COVID, bien, on a du matériel sur film pour montrer aux scouts que, il a couru le 40 verges, j'ai sauté le saut vertical, il a fait le broad jump, le bench press, tout ça. OK. Est-ce que, là, le repêchage est à la fin avril, est-ce que... il y a une préparation avant repêchage qu'on ne voit pas. Parce que ça fait longtemps que je cours après toi, Benjamin. Tout de suite après le Senior Bowl, je voulais faire une entrevue avec toi. Là. Puis tu m'as dit, j'ai pas le temps, je suis occupé. Est-ce que ça veut dire que probablement que tu as tout un travail à faire pour te préparer pour les Pro Day? C'est quoi en fait? Ou c'était des examens, ou c'est normal aussi, là, mais ou c'est vraiment une préparation physique, vu que c'est la dernière année, là, puis c'est faut vraiment que tu mettes la gomme? Ouais, ben dans le fond, j'étais vraiment après le Senior Bowl, j'ai vraiment commencé à mon entraînement du combine vraiment à fond dans le fond. Je commençais à 8h le matin, puis je finissais à 4h l'après-midi, puis j'étais pour le temps Los Angeles aussi, j'étais à Los Angeles, donc j'étais 3 ans en arrière du temps de Montréal puis de la côte Est. Donc, j'avais beaucoup de meetings aussi avec des équipes de la NFL. Je pense que depuis que j'ai eu après le Super Bowl, j'ai fait les Colts, les Ravens, les Patriots, les Saints, les Giants, les Broncos, les Browns, les Bills, les Packers. Tu sais, j'ai fait plein d'équipes qui étaient une heure chaque. Donc, okay. C'est beaucoup de meetings. Donc, après ça, ma journée est finie après ça. C'est rendu 10 heures du soir. Il faut que je dorme pour refaire la même journée encore. Donc, il y a beaucoup de préparation qui se fait dans les mois. Oui, il y a des Québécois là, qui ont des belles carrières dans la NFL. On pense à Auclair puis Duvernay Tardif, mais à ma connaissance, en tout cas, je me souviens pas d'un Québécois qui a été invité au NFL Combine. Moi, dans mon souvenir, tu es le premier. Là. Il y en a peut-être eu d'autres, là, ça m'échappe peut-être, mais c'est quand même un honneur là, d'être parmi les 300 meilleurs prospects là, pour en vue du repêchage. Toi, comment tu as réagi quand tu as su là, que tu avais ton invitation pour le NFL Combine? Il n'y en a pas cette année, mais tu as quand même été invité là, au NFL Combine. Comment tu réagis quand tu apprends ça? Ben, c'est un honneur, comme tu dis, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je ne me rappelle pas des autres. Ça disait qu'il y en avait, je pense, tous les temps, je pense qu'il y en avait 3 ou 4. Je sais que le deuxième, c'est un autre des loups du cœur Antoine Abel puis du cégep du Vieux-Montréal, Mehdi Abdelmad, qui a joué à Boston College, a été invité au Combine. Oui. Ben, Tommy Kane aussi, qui est à Seattle. Là, on monte à l'ouest. Oui, probablement. Ça, c'est plus vieux, mais oui. Ouais, récemment, si je me rappelle, c'était moi puis Mehdi Abdelmad. Mais qu'est-ce que... Okay. Ouais, dans le fond, ouais, c'est un honneur d'être invité à un Combine, parce qu'il y a seulement... De tous les joueurs qui vont au draft, il y en a seulement 340 qui sont invités au Combine. Donc, surtout être un jeune Québécois de Montréal qui est invité. Donc, tu dois définitivement mettre les bouchées doubles pour être invité. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est un peu le même des meetings de football? Tu as dit j'ai fait les Pats, les Saints, tu as nommé plusieurs. C'est-tu pas mal les mêmes réponses qui reviennent? C'est-tu pas mal les mêmes questions? Oui, c'est pas mal les mêmes questions. Il y a plusieurs, on a plusieurs étapes au meeting. Souvent, le premier meeting, c'est juste pour connaître le mot, connaître, savoir d'où je viens, quel genre de type de joueur je suis. Tout ça. Après ça, le deuxième meeting, on parle un peu plus de football. Donc, on va regarder du film, on va regarder le playbook ensemble, les jeux, savoir si je suis capable de me rappeler des jeux. Il y a un quiz et tout ça. Après, la troisième étape, c'est un peu plus un meeting psychologique pour savoir comment j'aime être coaché, c'est comme ma mentalité sur le terrain. Pendant une partie, tu vois. Donc, tu vois, il y a beaucoup de meetings pour. En fond, eux, ils investissent des millions de dollars sur les joueurs. Ça, c'est une entrevue comme une club. Oui, si tu te décris comme joueur, Benjamin, le joueur qui va l'équipe qui va te repêcher, qu'est-ce qu'elle va obtenir avec Benjamin Saint-Just? Ben, moi, je mets toujours ma versatilité en premier. Je trouve que je suis un joueur qui est versatile, comme on le mentionnait plus tôt. J'ai joué safety, j'ai joué corner, j'ai joué toutes les unités spéciales. C'est un package que même si à ma position, disons, il y a beaucoup de vétérans qui sont là, puis je ne suis pas partant ma première année, bien, je peux quand même contribuer à l'équipe en jouant en safety ou en jouant sur les unités spéciales. J'ai été un capitaine à Minnesota en 2019 et en 2020, donc j'apporte le leadership, l'esprit d'équipe. Je suis responsable comme joueur, tout ça. Donc, en tant que tel, c'est des bonnes qualités à apporter. Puis, j'apporte, comme on dit, le package total en termes de versatilité et puis leadership. Hier, tu as dit au 91-9 qu'il y avait 3 équipes. Et là, tu nous as fait plaisir parce que tu parles avec 2 partisans des Patriotes, là, des vendus Patriotes. Tu as dit que les Patriotes étaient fortement intéressés à toi, également les Saints et les Broncos. Moi, si tu es repêché par les Pats, je te dis tout de suite, ils vont se pardonner d'avoir ramené Cam Newton. Fait que déjà là, c'est eux qui ont montré le plus d'intérêt. Ah, ben, il y a beaucoup d'équipes qui m'ont beaucoup d'intérêt. Moi, qu'est-ce que je prends l'astuce de plusieurs de mes amis qui sont dans la NFL, de mes coéquipiers, ça va être l'équipe que je m'attends le moins qui va être. Ça arrive souvent, ça. C'est un jeu d'intelligence, c'est un jeu de finesse avec les équipes. Dans le fond, tu ne veux pas dire on aime vraiment Benjamin parce qu'il est vraiment bon, tu sais, on va le drafter. Mais si tu en parles trop, mais les autres équipes vont entendre. Ça arrive souvent. ils vont le drafter un autre joueur avant toi, dans le fond. Enfin, tout le monde dit rien, puis c'est l'équipe que tu entends le moins qui va te drafter. Ils disent, j'ai même pas fait de meeting avec eux, on peut pas parler, mais ils me draftent. Parce que justement, ils essaient de garder leur cap de leur côté pour pas que tout le monde sache qui ils veulent drafter. On va y aller après ça, professeur. On va y aller avec des petites anecdotes, puis ça va être terminé par ensuite. Hugues, vas-y, une autre question. Oui, pas de problème. Écoute, on t'a Pro Football Focus t'as en troisième round. On disait Mel Kiper t'es en troisième round aussi. Moi, après le Senior Bowl, j'avais fait un petit texte où je t'avais mis deuxième journée, round 2 et 3. C'est ce que je pense que tu vas partir. Là. Moi, je pense que tu as une shot pour la deuxième round, compte tenu de tes qualités physiques puis de la qualité du jeu que tu as montré aussi. Là, je regardais tes stats avancées, tu as donné une seule passe de plus que 20 verges cette année, puis une seule dans les zones moyennes, c'est que tu donnes rien dans les zones. Puis quand les gars attrapent des passes contre toi, d'habitude, ça reste des passes courtes parce que tu es bon pour plaquer également, tu as une bonne technique. Toi, est-ce que ça t'apparaît réaliste la deuxième journée du repêchage? Est-ce que c'est là que tu souhaites être repêché? Ah, ben moi, si je pouvais être repêché première ronde, moi, je suis rêvé première ronde. Mais plusieurs millions de dollars de différence. C'est clair. Je sais que j'ai le talent pour être repêché en première ronde. C'est juste une question, c'est une question de politique, puis de joueurs qu'il a et tout ça, puis du classement et tout ça. Donc, je porte pas trop attention à ça parce que sinon, ça va enlever mon bonheur de la situation que je suis en ce moment d'être repêché. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a juste 3-2% de tous les joueurs en Amérique qui vont au draft. Donc, moi, j'essaie juste de travailler fort à chaque jour, de faire mes étapes correctement, mon pro day, mes entrevues, de bien faire les entrevues. Puis après ça, c'est plus dans mes mains, c'est plus dans mon contrôle de savoir où je vais être drafté, mais c'est sûr que j'aimerais ça être drafté le plus haut possible. Vas-y donc, je pense que tu vas l'aimer celle-là, Benjamin. Tout de suite après le Senior Bowl, moi, j'écoute souvent des podcasts de football en espagnol là, pour pratiquer mon espagnol. Puis il y en avait un, ça s'appelle Primero Diaz. Là, c'est assez connu, c'est assez regardé. Puis dans l'analyse du Senior Bowl, je regarde ça en m'entraînant. Puis dans l'analyse du Senior Bowl, il y en a un tout de suite qui lève la main et qui dit « Moi, j'ai la carte cachée du repêchage là, en espagnol. » Puis c'est pas quelqu'un qui vient de Montréal, c'est Benjamin Saint-Just, il a joué au Minnesota. un grand demi-point, etc. Pour toutes les bonnes raisons, il a parlé de la passe que tu as défendue au Senior Bowl, de tes drills à un contre un, le slant aussi, l'interception que tu as quasiment faite en deuxième demi, ça a passé proche. Tu peux couvrir en zone, tu peux jouer en press, tu peux jouer safety, tu es versatile. Donc, tout donner ça. Dans un podcast en espagnol, c'est comment tu te sens de savoir qu'on parle de tout au Mexique? c'est la beauté de justement d'être culturellement diversifié puis de toucher différentes communautés puis différentes fanbases comme on dit. J'ai beaucoup de personnes, j'ai encore des fans de Michigan quand j'étais là pendant 2 ans, j'ai des fans à Minnesota, j'ai des fans à Paris en France parce que je connais beaucoup de joueurs, j'ai des fans à Montréal au Québec, j'ai des fans comme tu dis maintenant que je savais même pas au Mexique. Donc, oui. C'est cool de voir que le plus haut du monde, le plus haut ta plateforme est grosse avec le football, le plus de communautés tu touches. Absolument. Dernière question pour moi, Benjamin. Est-ce que la LCF, advenant que tu es coupé, est-ce que la LCF est une alternative intéressante pour toi ou tu vas tenter d'être, c'est sûr que c'est plus payant d'être une équipe de réserve que de la LCF, mais est-ce que la LCF est une alternative pour toi? Ah ben oui, c'est sûr, si j'ai la chance de jouer dans la CFL, puis je suis encore partant pour jouer, puis c'est encore le même rêve que j'ai de jouer, je peux considérer cette option. J'avais vu sur un mock draft que j'allais être drafté 10e ou 11e? Ouais, je sais que j'ai parlé avec Danny Machocha pour le Super Bowl. C'est pas long qu'il t'a dit tout de suite partant. Est-ce que c'est vraiment mieux de partant dans la SCF ou être joueur ou être sur l'équipe d'entraînement de la NFL? Choisir les deux? Il faudrait que je voie les avantages et les désavantages. Ouais. Je connais pas encore trop ça, mais ce serait ça. Faut jouer pour les Alouettes de Montréal, moi, je serais partant pour ça. Hein. Ça peut arriver un jour, mais pour être honnête, les choix de deuxième ou troisième ronde ou première ronde à NFL, ils se retrouvent sur le terrain assez rapidement. Alors, moi, j'ai une dernière question, Benjamin, pour ton Pro Day. 4.5 sur le 40 verges ou dans les 4.4, c'est quoi ta prédiction? 4-4. C'est ça que je courais durant mes entraînements, tout ça. Puis quand j'ai fait mon pro day d'agence, justement, la semaine passée à Los Angeles, j'ai couru à l'extérieur, il pleuvait un peu, puis c'était dans les 4-4. Donc là, je vais être à l'intérieur à Minneapolis. Il va y avoir de l'adrénaline avec tous les scouts puis les coachs qui sont là, puis mon teammate Richard Bateman qui va être là aussi. Donc, c'est sûr que si je peux aller chercher un bon mi-4-4, bas-4-4, ça va monter encore mes draft stocks. Ah, c'est clair. À 6 pieds 3, avec le wingspan que tu as, les stats, puis si tu cours en 4-4, là, tu vas partir pas mal plus vite au repêchage. C'est clair. Là. OK. Ben merci beaucoup, Benjamin. C'est pas la première fois qu'on se parlait. J'espère te reparler après la NFL même. Je sais que la vie va changer pour toi. J'espère te reparler après le repêchage au moins. Je sais que ça va être difficile. On passe par les attachés de presse, on passe par toutes les affaires. Mais au moins, j'espère que au moins te reparler après le repêchage. Ouais, pas de problème. Merci beaucoup. Ben voilà, donc c'était Benjamin Saint-Just des Golden Gophers du Minnesota. Hey, bonne chance, Benjamin. Merci.